Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour David Vigeant. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. C'est la quatrième saison du podcast 2030 Glorieuses qui est toujours et encore soutenue par la NEF. La NEF, c'est la banque des 2030 Glorieuses. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets socio-écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui, moi, me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes comme David, heureux de te donner la parole aujourd'hui, David. Toi, tu es co-gérant de Tic Affinage. C'est une entreprise qui produit des alternatives au fromage. Et donc, ces alternatives sont 100% végétales. Et en plus, de la façon la plus éthique possible, on va y revenir. Ensemble, nous parlerons de slow food, d'alternatives à l'alimentation issue des animaux. Mais plus largement, de reprendre notre place parmi le vivant, de l'importance de donner de la valeur à l'artisanat en France et de comment faire en sorte de reterritorialiser en plus tout ça. On va commencer cet échange par la même question, David, que je pose à tous mes invités. Imagine que tu as un événement, une rencontre, une soirée, un salon, je ne sais pas, mais tu rencontres de nouvelles personnes et arrive très rapidement la question fatidique de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Alors, ce que je leur réponds, c'est que j'ai créé une entreprise qui fabrique des alternatives au fromage. C'est exactement ce que tu as dit et tu l'as très bien présenté. Des alternatives au fromage affiné. Qui sont faites à base 100% végétale et on les distribue un peu partout en France. Voilà, on les distribue aux professionnels. Donc tu en viens à tout de suite utiliser ta casquette d'entrepreneur, de créateur d'entreprise, c'est la manière dont tu te présentes ? Ben, je me présente un peu comme ça. Après, les gens ont énormément de questions tout de suite de comment c'est venu et pourquoi. Enfin, le monde végétal, alors il y en a certains, ça effraie, il y en a d'autres, ça fait peur et d'autres, ça... Voilà, ça stimule et donc j'ai tout de suite les questions du comment c'est venu, pourquoi vous avez fait ça, voilà. Donc après je raconte l'histoire, un peu le storytelling de comment est né Tic Affinage et puis après en général les gens en demandent et je les fais déguster, ouais. On va en reparler, bien sûr. On va reparler de ce côté, c'est vrai, très sensible, de la question du fromage. En France, je pense qu'on est fait moitié chair et moitié fromage, nous les Français. Donc, on va reparler de ça. On va parler aussi, tu le disais, de pourquoi une alternative au fromage en termes d'environnement, en termes d'impact, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut avoir une démarche plus vertueuse, même si on se rendra compte ensemble que forcément c'est pas parfait et qu'il y a encore du boulot. Mais avant ça, je continue à te questionner, à creuser un peu cette question-là de comment on se présente et de quel métier, parce qu'en fait, tu sais peut-être que l'entrée du podcast 2030 Glorieux, c'est vraiment de parler de nouveaux métiers. Et donc, si je vois bien ce que tu dis dans le fait que tu es chef d'entreprise, co-gérant et que ça marche bien sur LinkedIn, pour moi, je suis désolé, depuis les 2030 Glorieux, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, en fait, un co-gérant d'une entreprise ne fait pas du tout la même chose et ne travaille pas du tout au même cap, aux mêmes objectifs. Toi, en l'occurrence, j'imagine bien la nécessité de créer des partenariats, d'avoir des clients, sans doute aussi toute une dynamique liée aux ressources humaines, peut-être trouver des fonds. Bref, ça c'est la vie, on va dire, de l'entreprise. Mais en 2030 glorieuse, peu importe, tu participes à quelque chose, tu veux laisser une trace. Et donc du coup, comment tu te présenterais si on devait justement partir de ce à quoi tu participes plutôt que partir de comment tu le fais? Ouais. Eh ben moi, je me présente comme quelqu'un qui prend en compte le vivant dans son ensemble. En gros, j'ai des diplômes, j'ai tout ça, mais on va pas partir là-dessus. Je suis quelqu'un qui vit les choses, et quand on m'explique des choses qui me touchent, et ben je fais en sorte de mettre des choses en place pour que ces choses qui me touchent, je les fasse évoluer. Et donc du coup, tu le fais cette fois par le plaisir. T'aurais pu très bien, là dans les choses qui tu dis, les choses qui me touchent, on entend, en tout cas j'ai envie d'entendre la souffrance animale notamment, et t'aurais très bien pu décider de rejoindre les rangs d'une association comme L214 qui alerte, qui montre l'envers du décor de notre alimentation carnée. Toi, tu fais l'inverse, tu proposes, tu rends désirable une alimentation végétale. Est-ce que finalement c'est pas ça ton métier, c'est d'être ambassadeur d'une alimentation végétale, que tu as envie de créer de la désirabilité avec ce monde qui pour l'instant nous reste encore assez étranger? Oui, ouais, complètement. Tu parlais d'L214 tout à l'heure. J'ai travaillé pour eux justement parce que j'ai une fibre sociale, une fibre vraiment, vraiment là-dedans avant d'être conscient de tout ce qui se passe pour les animaux. J'ai travaillé auprès de femmes victimes de violences et de prostitution. Donc voilà, en fait, il y a plein de sujets qui me, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui touchent. Qui touche les gens, qui touche tout le monde, et du coup moi j'ai cette envie, cette volonté de me dire voilà, je suis touché par cette cause, qu'est-ce que je peux faire moi pour justement être un ambassadeur, pour faire évoluer les façons de penser, donner des outils aux gens pour les faire comprendre ou évoluer à leur rythme, etc. Il n'y a pas de baguette magique en disant pouf, demain tout le monde comprendra, tout le monde aura envie de changer, etc. Mais c'est au moins dire bah voilà, moi je fais ce que je peux pour informer les gens et pour leur donner une alternative de leur façon d'imaginer les choses, tout simplement. Allez, la question qui viendrait là, si on était sur une radio de grande écoute avec des questions simplistes, ça serait de dire vous nous parlez de prostitution, vous nous parlez d'enjeux écologiques et finalement tout ce que vous proposez c'est des alternatives au fromage. C'est pas un peu trop peu ambitieux, c'est pas un peu trop terre à terre? Pourquoi c'est important de faire ce que vous faites avec Tiki Affinage? Alors je vais faire une réponse avec, enfin comme si c'était toi, c'était pas une radio bidon qui me posait la question. Bah en fait, pourquoi Tiki Affinage est né? C'est tout simplement parce qu'on l'a créé avec Manon Boucan, et on est profondément des deux personnes qui sommes militants dans l'âme. Et militants dans le bon sens du terme, on n'est pas à crier, à revendiquer, etc. Mais on veut trouver des solutions aux choses qui nous entourent et aux choses qui nous embêtent. Et un jour, on nous a offert un kit pour faire du fromage végétal parce qu'on est végétalien à la maison. Et on l'a proposé aux amis, aux connaissances, aux copains, et ils nous ont dit faites-nous-en, on en veut. Et en fait, on s'est dit c'est peut-être une branche de militantisme aussi ça. Quand on va à la banque et qu'on leur demande un financement pour faire du végétal, c'est du militantisme. Quand on va déposer un projet pour acheter une machine spécifiquement pour faire du fromage végétal que les gens ne connaissent pas du tout, c'est du militantisme. Et au final, le fromage en tant que tel, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qui se voit, c'est ce qui se mange, c'est chouette. Mais il y a tout un travail de fond qui fait qu'on a envie de faire changer les choses. Donc tu dis que finalement, c'est un prétexte le fromage, c'est ça? C'est une excuse? Mais ça, ouais. Ça, alors c'est un prétexte. Puis historiquement, c'est sympa parce que Manon normande adorait le fromage, moi aussi, etc. Donc c'est quelque chose qui nous plaisait. Mais franchement, on n'a jamais fait d'agroalimentaire. Le fromage, c'est très compliqué parce que c'est un produit avec des ferments, avec une complexité vraiment, vraiment très, très forte. Donc si on avait voulu faire quelque chose d'un peu plus simple. Je sais pas si c'est vraiment plus simple, mais enfin faire quelque chose on l'aurait fait. Là, ça nous est tombé dessus, on l'a fait et on s'est dit allez, si on montre aux gens qu'un fromage affiné peut être 100% végétal, on peut tout faire. Donc faisons-le. Oui, parce que en fait, ce qu'il y a aussi derrière le fromage, c'est une manière de questionner notre alimentation, de la reconsidérer, j'allais dire presque 3 fois par jour. C'est presque le cas, tellement il y a des gens qui en ont fait une base essentielle de leur alimentation. Donc, c'est vraiment se mettre dans cette posture de la marteau-thérapie du changement, en fait. Hein. Mais c'est notre message, hein. On a un bulletin de vote tous les jours, c'est notre carte bleue, et on a une façon de consommer tous les jours, trois fois par jour, de la façon dont nous on souhaite, enfin dont la personne souhaite. Donc on change le monde à partir de l'assiette, hein. Et en plus, on est sur quelque chose, je le disais, et tu l'as un peu dit aussi tout à l'heure en préambule, qui tient de l'irrationnel, hein, à la fois bon, ben, dans toute la confection, parce qu'on a vraiment, nous en France, su développer tout un récit autour du fromage, tout un imaginaire, et en plus parce que du coup, il y a une explosion de saveurs, une richesse culinaire, de recettes, de patrimoine qui a été développé autour du fromage, qui fait qu'on a l'impression que ça fait presque partie de notre identité française. Nous, les Français, on dit que si on veut, chaque jour, on peut manger un fromage différent tous les jours de l'année. Et donc là, on touche du doigt quelque chose qui est en général reproché aux écolos, de dire que la démarche écologique est là, en l'occurrence, moins carnée ou moins issue de produits d'origine animale. Elle est frustrante, punitive, sans saveur, répressive presque. Et donc, vous essayez d'aller contre ça, de même retourner complètement la table, en fait. Complètement. Le fromage traditionnel, ça fait 8000 ans, je crois, que ça existe. Je ne sais pas combien de sortes de fromage on peut compter en France. C'est exactement ce que tu disais. On peut en manger un par jour sans problème, je suis persuadé, pendant un an. Nous, il n'y a pas d'historique sur le fromage végétal. On s'appuie sur nos connaissances à nous, sur ce qu'on trouve des gens qui veulent bien nous donner quelques petits conseils, des choses comme ça. Mais on a tout à créer. Vraiment, on a tout un univers à créer. Et aujourd'hui, et j'espère, et j'en suis sûr, parce qu'on voit comment les labos évoluent, mais tu parlais d'explosion de saveurs, etc. Là, aujourd'hui, on arrive à avoir des types de fromages avec les codes qui existent, du Munster, du Bleu, du Roquefort, etc. Enfin, on y arrive. Et encore une fois, je parlais de l'évolution de l'alimentation et de la partie immergée de l'iceberg, de ce que les gens ne voient pas. C'est que quand on fait un fromage, on a des partenariats, des conventions, etc. avec des laboratoires qui nous fabriquent les ferments. Les ferments de fromage sont fabriqués sur du lait en général, et nous, on demande à des géants de changer leur chaîne de production pour leur dire, nous, on veut la même chose, mais sur du végétal. Et donc, du coup, c'est pas juste nos 10, 20, 100, 1000 fromages qui sont dans les rayons, qui changent les choses. C'est les industries qui disent, attention, il y a un marché. Du coup, ben, on va diminuer notre part de ferment sur des supports laitiers pour créer une filiale sur des supports végétaux. Et donc, du coup, c'est pas que dans l'assiette que ça change, c'est aussi dans les mentalités et dans comment on investit l'alimentation de demain. Bon bah allons-y justement, parlons de l'intérêt de changer et de pourquoi ça a un vrai intérêt au niveau environnemental notamment, parce que, et ça sera ma prochaine question, on entend aussi dire que bon en fait voilà le fromage végétal il est pas parfait, il est loin d'être parfait, il a aussi des impacts et donc finalement pourquoi changer, pourquoi une telle différence, pourquoi une telle nécessité de trouver des alternatives au fromage comme on le connaît classique? Alors, j'espère que ça va être clair parce qu'en radio, il faut se faire les images. Mais en gros, pour créer une protéine animale, il faut 7 protéines végétales. Donc du coup, si on va chercher directement cette protéine végétale pour en créer du fromage, on a besoin de 7 fois moins de protéines animales. Donc du coup, au niveau de l'impact, on n'a pas besoin de nourrir les animaux, on n'a pas besoin d'abreuver les animaux et on n'a pas besoin de les tuer. Et c'est aussi ça l'image de tic à affinage, c'est que tu parlais tout à l'heure dans la présentation qu'on est le plus éthique possible. Du coup, on est une entreprise 100% végétale, une entreprise végane, et donc on ne produit rien qui vient des animaux. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, pour un kilo de bœuf, par exemple, un kilo de vache, il faut 15 000 litres d'eau. Donc, il y a un intérêt calorique déjà dans ce que tu dis? Pour nourrir un animal, il faut 15 000 litres d'eau, donc c'est extrêmement énergivore. Et si ces 15 000 litres d'eau servaient justement à arroser des légumineuses ou autres produits pour faire directement du végétal, et du coup, nous, ce qu'on fait, au niveau de l'empreinte énergétique, ça n'a rien à voir. Et si d'autres comme moi ont vu ces documentaires qui étaient diffusés notamment sur France 2, si j'ai bonne mémoire, il y a quelques années pour montrer la face cachée des noix de cajou, qui sont, si je dis pas de bêtises, une matière première essentielle de vos fabrications, avec ces doigts brûlés, noirs, des femmes qui, je sais pas comment on dit, si on dit peler les noix de cajou, les nettoyer, les vider, je sais pas. Et décortiquer et donc l'empreinte là en l'occurrence humaine, sociale, sans compter les milliers de kilomètres qu'il faut prendre en compte parce que et je veux bien que tu me dises si je me trompe, mais aux dernières nouvelles, les noix de cajou ça pousse pas en Bretagne. Raconte-moi alors comment malgré tout ça c'est un impact qui reste moindre, et puis qu'en plus vous, j'imagine, vous avez cherché à détourner et en tout cas à ne pas tomber dans ces pièges là. Oui, alors effectivement, la noix de cajou, 90% du temps, elle est cultivée en Afrique, elle est décortiquée en Asie, dans ces pays-là, et elle est envoyée après pour être mangée en Europe ou en Amérique. Donc ça fait le tour du monde. Et en général, quand c'est cueilli en Afrique, ça part par cargo dans leur cosse. Donc les paquebots sont énormes, c'est même pas des paquebots, c'est les conteneurs sont énormes, et du coup effectivement il y a un impact qui est très très fort. Nous, nos noix de cajou, alors notre fournisseur, on le cache pas, il s'appelle Ethic Essence, donc voilà, nous ça a du sens pour nous. C'est Nicolas Payonne qui est basé à Toulouse, qui a créé un groupement de producteurs au Sénégal. Du coup, il a mutualisé les forces. Il a créé un prix plancher là-bas au niveau de la noix de cajou. Ce qui fait que peu importe le cours mondial du prix de la noix de cajou, il garantit un salaire décent aux travailleurs qui sont là-bas. Tu parlais aussi du décortiquage des noix de cajou. Alors, c'est fait là-bas et c'est fait de façon mécanique. Il faut savoir que, en fait, une noix de cajou, ça se présente un peu comme un poivron. Et sous le poivron, il y a la noix. Cette noix, il y a une écorce qu'il faut chauffer pour la casser. Et quand elle est cassée, il y a un acide corrosif pour les doigts. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et du coup, comme c'est corrosif, ça abîme les doigts jusqu'à des choses assez, assez ignobles. Donc, il y a des pays qui le font de façon manuelle, et ça, on le déplore. Et c'est effectivement ce qu'avait montré un reportage sur France 2. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont des valeurs un peu comme nous, et enfin au moins un peu comme nous, j'ai envie de dire, qui travaillent avec du décortiquage automatique. Bref, on n'en est pas là. Je peux rajouter encore d'autres choses. Notre fournisseur, il a enlevé le chauffage des fours au gaz pour chauffer cette noix de cajou. Il a rajouté des fours solaires. Pour le Sénégal, c'est juste normal. Voilà, il a mis tout ça en place. Il a tout labellisé bio. Ça vient par bateau directement du Sénégal à Marseille. À Marseille, ils vérifient la marchandise et c'est emmené en Bretagne. Mais, je vais rebondir là-dessus, encore une fois, de façon à être le plus éthique possible, on le fait à base de noix de cajou parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de recul et c'est les seules recettes qu'on a su mettre en place. Mais toute notre R&D qu'on a actuellement, elle est 100% dirigée vers je vais appeler ça des futurs cahiers végétaux qui ne seront pas faits à base de noix de cajou. Et ça, j'espère que les confrères qui font du fromage végétal travaillent aussi là-dessus. Ouais. Ouais, on n'est pas si loin finalement de conversation qu'on avait avec le boulanger solaire Adrien, dont le nom est en train de m'échapper, qui a fondé Néoloco et qui disait que lui, en fait, avec son four solaire qui est basé en Normandie, il travaille à réapproprier des savoir-faire et en déployer de nouveaux, notamment sur la question des produits torréfiés. C'est vrai que nous, on a l'impression que le seul produit torréfié qu'on peut consommer en boisson, c'est le café, et qu'en fait, lui, il travaillait le sarrasin, le pois chiche, et qu'il était en train de tester plein d'autres produits, l'orge, comme c'est très connu en Italie avec l'orzo, pour faire en sorte que la raréfaction des produits exotiques allant forcément à un moment ou un autre nous impacter, il allait réussir à la fois à avoir plus d'autonomie, mais aussi en réalité plus de saveurs, de nouveaux goûts qui allaient nous permettre de continuer à avoir cette notion de plaisir par rapport rapport à l'alimentation avec laquelle on a créé un lien irrationnel, ce qui me fait ma transition parfaite pour cette question de l'irrationalité. Vous êtes en train de toucher du doigt une sorte d'exception française, une exception gastronomique, une fierté absolue. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas un peu des réactions justement irrationnelles et là, tu as commencé à le faire et tu as commencé à très bien le faire. Bah, quelle proportion de votre travail est justement liée à ce travail pédagogique, à cette explication, à réussir à déminer un peu ce terrain qui est quand même justement un peu compliqué? Alors, au niveau du, je vais appeler le fromage végétal, au niveau du fromage végétal, on est très bien accueilli par le monde fromager. On a des maîtres fromagers qui viennent se former chez nous, qui viennent prendre quelques informations. On a ouvert aussi notre entreprise aux organismes de formation. On a des CFA fromagerie qui viennent nous voir pour justement connaître le fromage de demain. On participe à des tremplins ou des tremplins ou des concours justement pour que nos fromages soient dégustés pas simplement par nos connaissances, nos amis, mais par des vrais professionnels de la gastronomie. On a des palaces, on a des grands chefs étoilés qui aiment nos fromages. Voilà, donc il faut dédramatiser tout ça. On travaille, tu parlais d'L214, on est en partenariat avec L214 qui va dans les lycées hôteliers pour montrer que l'alimentation végétale doit être mise au programme. Eh bien, nous, on fournit les fromages pour montrer que ça se fait, c'est facile et c'est accessible. Voilà, c'est un petit peu les axes qu'on a mis aujourd'hui en place. Donc il y a tout ce qui est renommée du fromage avec les grands chefs. Et encore, quand on fait de l'export et qu'on envoie nos fromages à l'étranger, on a quand même selon les pays le savoir-faire français du fromage. Ça, c'est dingue. Mais voilà, du coup, voilà, il y a tous ces axes de travaux, tout ce qui est les futurs fromagers, le monde de l'alimentation en général, et puis les grands chefs et la renommée du fromage. Ouais. Bah écoute, c'était une présentation parfaite de ces enjeux, de ces sujets, de cette alternative qu'est le fromage végétal. Merci David pour ça. On fait toujours une petite pause parce que tout l'intérêt, c'est de voyager ensemble en 2030 glorieuse dans une société où le projet, le produit, l'alternative déployée à l'époque en 2023, c'est largement normalisé en 2030 glorieuse. Donc on va réfléchir ensemble, on va imaginer à quoi ressemble une France où ces alternatives végétales se sont complètement normalisées et on n'en parle même plus tellement ça paraît évident. Pour cet épisode, c'est David qui me laisse lire un passage d'un roman ou d'un essai, en l'occurrence ici, qui me tient à cœur et qui m'avait particulièrement touché à l'époque de sa lecture. Il s'agit de Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie, qui a été écrit par Lamia Essemlali. Pour mourir, tel le cri de guerre des Lakota. Il signifie qu'il ne faut pas craindre la mort, ne pas renoncer à se battre contre vents et marées pour défendre ses convictions, ne jamais abandonner. S'il y a une chose inéluctable dans la vie, c'est la mort. Nous mourrons tous. Ce qui importe, ce n'est pas de mourir, c'est de vivre. Et c'est ce que vous faites de votre vie qui compte. De la même manière, la seule chose qui importe dans votre mort, c'est ce que vous en faites. Une mort sans peur et avec dignité. Celui qui ne craint pas la mort ne meurt qu'une fois. Celui qui est habité par la peur meurt lentement, en proie au stress et à l'angoisse. Acceptez l'inévitable, accueillez la finitude de la vie et souriez à l'infini. Le vrai secret du bonheur est de ne pas craindre sa propre mort, ne pas craindre l'échec ou le ridicule et ne pas craindre autrui. Le stress est un obstacle à la conscience et à l'accomplissement. Le stress est source de migraines, de cancer et de bien d'autres maux. Il est la raison pour laquelle les gens fument, se droguent et boivent avec excès. On me demande parfois pourquoi je n'ai jamais fumé quoi que ce soit. Ma réponse est que j'en ai jamais ressenti le besoin. Cela ne m'a jamais semblé être sain et j'ai toujours été conscient des conséquences. Je pense que le stress nous empêche d'avoir conscience des conséquences de nos choix. Cela vaut pour la drogue, pour l'alcool. Sans stress, il n'y a ni besoin ni désir de s'adonner à l'une ou à l'autre. La pleine conscience est simplement la conscience de qui vous êtes et de ce que vous faites. Quelqu'un de conscient est quelqu'un qui est libéré du stress. Les désirs inassouvis sont source de stress. Ne rien désirer vous permet d'apprécier ce que vous avez. Quand vous ne voulez rien, vous n'êtes frustré de rien. Nous avons tous des besoins élémentaires. Nourriture, chaleur, abri, vêtements, socialisation. Tout le reste n'est que luxe. Et si le luxe peut être appréciable, on ne devrait pas en être dépendant. Aspirer à un mode de vie luxueux engendre du stress. Je n'ai jamais choisi un emploi par unique motivation financière et pourtant, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Ils m'ont tous appris quelque chose et m'ont permis de grandir. Je n'ai jamais cherché à posséder quoi que ce soit et pourtant aujourd'hui je possède des biens matériels. Mais je mets un point d'honneur à ne pas en être esclave. Je refuse tout conflit au sujet de l'argent ou des dettes. En ce qui concerne les besoins élémentaires, j'ai appris à y répondre à l'adolescence, lorsque j'ai quitté la maison à l'âge de 15 ans. Je n'avais pas un sou en poche, j'ai sauté dans un train de transport de marchandises, fait du stop depuis Toronto jusqu'à Vancouver. Une fois sur place, j'ai campé sur un terrain abandonné de Wreck Beach et la première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire à l'université de Vancouver City. J'ai trouvé un boulot, j'ai quitté mon camping, j'ai loué une petite chambre et je suis parti de là. Quand je regarde dans le rétroviseur, je vois tout ça comme une odyssée. Je n'avais rien, mais je n'étais pas stressé. J'ai simplement choisi de considérer l'insécurité de ma situation comme une expérience excitante. J'ai vécu chaque petit boulot comme une aventure. J'ai été tour à tour magasinier, peintre en bâtiment, boulanger, gardien d'entrepôt, cuistot, facteur, guide touristique marin. Chaque expérience a été une leçon de vie. La vérité, c'est que tout dans la vie est une aventure. Ça y est, hein, je ne sais pas si tu l'as senti, mais on est en 2030 glorieuse. Tu as peut-être eu ton siège qui a vibré légèrement au moment de la lecture, mais ça veut dire que ça y est, on est dans cette histoire française qui nous fait nous sentir dans la bonne direction. On est dans cette ère où on a enfin réussi à s'aligner sur de nouvelles boussoles, sur de nouveaux caps qui nous permettent de reprendre avec humilité notre place parmi les vivants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore du boulot, ça ne veut pas dire que tout est résolu, mais on sent qu'on a mis nos énergies dans la bonne direction à l'époque. Peut-être que tu t'en rappelles, en 2023, s'il y avait déjà des alternatives qui étaient en train d'émerger, de se déployer, pourquoi pas de prendre une place prépondérante, bah, il y avait encore quand même majoritairement l'essentiel de la société qui tirait dans le mauvais sens. Ça, c'est plus le cas. Et donc, on est en 2030 glorieuse. Les personnes qui nous écoutent, elles, malheureusement, sont restées bloquées à l'époque en 2023. Donc, on va avoir le devoir de faire en sorte d'être le plus précis, le plus nuancé, le plus descriptif possible pour qu'elles sentent bien tout ce qu'il y a d'odeur, de couleur, de texture derrière ces 2030 glorieuses qu'on décrit, nous, et dans lesquelles on est. Voilà. Ma première question, c'est, tu es en 2030 glorieuse, toi. Donc, tu regardes par la fenêtre, tu vois quoi ? Là, du coup, ce que je vois de ma fenêtre, déjà, c'est qu'il fait beau, et je vois que il y a plus ces champs à perte de vue avec le même blé à la même hauteur, tout est un petit peu, il y a certains champs qui sont en friche, il y a une permaculture qui s'est développée énormément, et ça fait du bien, on peut se promener, c'est chouette. Ouais, en 2030 glorieuse, on a une diversité des productions qui fait qu'on arrête de dire qu'on fait de l'agriculture intensive, on arrête de dire que le vivant est une ressource corvéable à merci et que tout est uniforme, tout est gigantesque. On est revenu sur processus de fabrication en réalité beaucoup plus à taille du vivant, un peu foutraque, un peu bordélique, mais en fait très permaculturel. Ouais, et ça fait du bien, ça redonne de la vie et du sens aux choses, ouais. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, tu prenais le train et finalement, c'était des champs uniformisés à perte de vue parce qu'on était justement sur cette alimentation uniformisée, standardisée, de surtransformation et de surproduction. Aujourd'hui, l'alimentation, on lui a redonné toute sa place finalement, hein, toute son importance même. Ouais, tout à fait. Et puis même, je peux même parler de ce que vit Tika, c'est que nous, on a racheté une boucherie charcuterie traiteur pour la transformer en une fromagerie 100% végétale. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'évolution. On reviendra tout à l'heure sur à quoi ressemble Tika Finage, mais c'est vrai que cette place du végétal, elle est beaucoup plus prépondérante. Et aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on mange du fromage végétal sans même plus poser la question. Ça fait partie de nos habitudes. Non, ça fait partie de nos habitudes. Ça, c'est présent sur un plateau de fromage. De toute façon, dans les familles ou même à l'école, il y a les jeunes, les enfants et puis même les moins jeunes ont ont développé leur palais sur une alimentation 100% végétale. Ouais. Avec une curiosité quand même qui s'est largement développée, s'est largement déployée, puisque aujourd'hui, arriver dans une nouvelle région, c'est aussi arriver dans un endroit où il y a des produits à part, des techniques à part, et donc on a des fromages qui changent parfois du tout au tout en fonction du lieu où on est, de l'altitude où on est, de la proximité de la montagne ou de la mer. Et il y a aussi cette curiosité un peu du Tour de France du fromage qu'on faisait déjà à l'époque et qui aujourd'hui est encore plus prépondérant, parce que là, parfois, c'est vraiment de la contrainte géographique en réalité. Mais oui, parce que je me rappelle, il y a quelques années, on avait très peu de ferments sur lesquels on pouvait s'appuyer et travailler. Aujourd'hui, si on va en Savoie, on peut faire une tome de Savoie 100% végétale, sans problème. Chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et effectivement, partout où on se balade, les spécialités naissent. Et je vois aussi ça dans le monde du simili-carné, des simili de la viande. On arrive à faire des nouvelles choses. Et je suis pressé de voir 2040. Ouais, bah justement, tu vois, arrêtons-nous un tout petit peu en 2030, parce que j'avais justement cette question d'aller ensemble sur la suite de l'alimentation qui serait de plus en plus, j'allais dire, désintoxiquée des produits d'origine animale. Tu le disais avec Tika Finage, vous avez racheté des boucheries, des fromageries, pardon, et des boucheries pour en faire des fromageries végétales. On a des boucheries végétales. On reprend un peu cet imaginaire de l'alimentation des siècles passés pour la végétaliser, pour proposer des produits simili, presque des copies conformes, mais seulement végétales. On se retrouve sur la forme, on se retrouve sur le goût. Ça a été nécessaire pour la transition, ça a été nécessaire pour accompagner les gens à ces changements d'habitude. Jusqu'à quel point c'est vraiment une bonne idée d'avoir des saucisses végétales, d'avoir des fromages végétaux amener les gens de plus en plus vers cette alimentation végétale et de reprendre un peu les codes finalement de notre alimentation d'avant, et pour pas brusquer, pour pas choquer, pour donner envie quand même, pour avoir le même vocabulaire, je sais pas ce qui aide finalement. Mais en fait, l'alimentation végétale, elle est vraiment primordiale, parce que on avait des habitudes d'alimentation, on avait l'habitude du saucisse lentille, on avait l'habitude du barbecue avec le boudin noir, on avait ces images-là qui sont ancrées. Et pour une transition, j'ai envie de dire douce, pour que les gens comprennent que c'est bon, que c'est festif, qu'on peut inviter des gens, qu'on peut proposer à des gens d'en manger sans avoir peur de se dire en fait l'alimentation 100% végétale, elle est fade, il faut des entreprises qui soient fortes, des entreprises qui soient implantées sur le secteur, qui investissent des moyens pour justement proposer des saucisses qui aient du goût, qui aient ce pseudo-gras qu'on retrouve. Il faut des entreprises qui fassent du fromage végétal avec un fromage qui pue, avec un fromage cendré, pour qu'il y ait tous ces codes-là et qu'en fait, les gens n'aient pas l'impression d'être lésés par le végétal. Ouais, ce que tu dis en fait derrière ta réponse, c'est que l'alimentation, c'est quand même essentiellement non pas une question de goût, mais une question d'habitude. Parce que, comme le dit très simplement l'expression de la Madeleine de Proust, par l'alimentation, par les papilles, par les odeurs, on a en fait ces traces de souvenirs, de mémoires qui apportent de l'irrationalité à ce qu'on a envie de mettre dans notre assiette. Et donc, c'était aussi une manière de prendre des raccourcis pour embarquer les gens, d'arriver à garder ces traces-là. Tout à fait. Mais les repas sont extrêmement importants. Quand on fait un mariage, qu'est-ce qu'on retient? Le repas. À Noël, qu'est-ce qu'on retient? C'est le réveillon. Alors, les cadeaux, effectivement. Mais en gros, chaque événement est marqué par un repas. Donc, c'est important que quand il est 100% végétal, qu'il soit bon, goûtu, et justement qu'il y ait ces odeurs qui rappellent des saveurs ancestrales, des odeurs ancestrales de la grand-mère qui cuisinait, etc. etc. Ouais. Ouais, et puis en plus, ça aussi, c'était une belle manière de montrer que l'alternative végétale, elle était là aussi, non pas pour porter atteinte à des savoir-faire et à des emplois et dépeupler les villes. Au contraire, l'alternative végétale, elle continue à créer des emplois, elle continue à même créer de la proximité, en fait, parce que, comme je le disais, c'est des savoir-faire qui sont perpétués, qui sont repris, dupliqués. Si vous, vous parlez de fromage, c'est bien parce que vous avez tout ce processus d'affinage qui ressemble, en fait, à ce qui existe avec le fromage classique de l'époque. Et même, en plus, vous faites des alliances avec tout un tas d'autres artisans qui sont capables de vous mettre à disposition des produits pour vos fromages, pour les personnaliser, pour les rendre encore plus originaux. Donc finalement, c'est plus d'emploi, c'est plus de proximité, c'est même encore plus de fierté locale, de chauvinisme bien placé, si je peux le dire comme ça. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a quelques années, 7-8 ans, dans une production où on produisait du poulet, il y avait 2, 3, 4 employés maximum. Tout est automatisé, etc., etc. Nous, aujourd'hui, quand on travaille, on a créé des filières avec des grosses entreprises pour nous créer des légumineuses. On a créé des partenariats pour que des laboratoires nous créent des nouveaux fromages, des nouveaux ferments. On a embauché du monde justement en R&D, en recherche et développement, pour créer des nouvelles recettes. En fait, comme le monde évolue et change, eh ben il faut tout recréer, et pour tout recréer, il faut embaucher. Ouais, il faut embaucher, donc on a plus d'emplois. Puis en plus, vu que on n'a plus ces chaînes interminables de production de fromage sans goût, coucou caprice des dieux à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça, et tous ces trucs là. Aujourd'hui, toutes ces micro caves, tous ces micro labos pour une production locale, ça demande des mains aussi. Hein. C'est plus ces chaînes, c'est plus ces machines, c'est plus tous ces processus déshumanisés. Et derrière tout ça, il y en a aussi hein, du talent, il y en a aussi du savoir-faire, il y en a de la sueur aussi. Hein. Exactement. Et du coup, 2030, ça a été aussi un moment où, enfin, au niveau du tourisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on va voir une cave. Aujourd'hui, on va visiter des caves à fromage 100% végétaux, comme on visitait des caves à vin il y a 7-8 ans. Et d'ailleurs, parlons de 2040-2050, puisque vous bossez dessus. Le végétal nous a permis aussi d'avoir des évolutions assez extraordinaires par rapport au fromage. Des fromages beaucoup plus secs, des fromages beaucoup plus liquides, des fromages qui se transforment en fonction de la température à laquelle ils sont conservés, et plein d'associations aussi gastronomiques qui fait qu'aujourd'hui, les grands chefs s'éclatent à inventer de nouveaux plats. Et j'imagine que ça, 2040-2050, ça va encore évoluer, ça va encore changer. C'est des perspectives de découverte qui sont presque sans limite, en fait. Mais bien sûr, il y a 7-8 ans, pareil, c'était Claire Vallée qui avait eu la première étoile. C'était la première femme étoilée Michelin qui avait un restaurant 100% végétal et qui faisait ses fromages toute seule. Aujourd'hui, alors nos fromages et d'autres fromages, mais c'est intégré à part entière à la grande cuisine et à la gastronomie française. C'est intégré partout. Les Fashion Week, c'est 100% végétal. Enfin, tout est 100% végétal dans ces grands rendez-vous. Ouais. Et justement, tu vois, tu disais que Claire, avec Ona, hein, de mémoire, son restaurant s'appelait comme ça, elle faisait tout chez elle. Et j'ai l'impression que du coup, ça aussi, c'est une grande évolution de l'artisanat et justement de ces fromageries végétales. À l'époque, assez rares étaient les citoyens, les citoyennes, les Français, les Françaises qui savaient faire leur propre fromage. Aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on a bien sûr encore des paniers qui se remplissent, des fromages qui sont faits par des artisans avec un savoir-faire très spécifique. Mais j'allais dire qu'on a presque un fromage un peu de tous les jours qu'on a réappris à faire nous-mêmes. Et donc les artisans sont à la fois des experts, mais aussi des enseignants. Les fromageries sont à la fois des lieux d'achat, des boutiques, mais aussi des lieux d'enseignement, des ateliers de partage de ces pratiques. Raconte-moi un peu à quoi ça ressemble, ça, comment et quel type de fromage on fait nous un peu chacun chez nous tous les jours, et comment on a ces artisans qui sont devenus enseignants bien volontiers en réalité. Mais bien sûr, bien sûr. En fait, alors c'est très très simple. Pour créer un fromage affiné, il faut du temps, il faut de l'espace, il faut du matériel. C'est pas adapté à tout le monde, bien que certaines fois on accueille des gens sur plusieurs jours pour montrer les étapes. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable de faire son fromage 100% végétal. On prend un yaourt au soja, on enlève le petit lait de soja, on le met par exemple sur un torchon. On le met au frigo toute une nuit, on récupère la masse solide, on met quelques herbes et on a un fromage frais. C'est très très simple aujourd'hui de faire un fromage 100% végétal, chose qui était beaucoup plus difficile à l'époque. Donc tous les fromages à tartiner, en fait, qu'on retrouvait dans des barquettes suremballées sous de l'aluminium et tout ça, ça c'est fini. Aujourd'hui, on le fait chez nous, on l'agrémente de fines herbes, de tomates séchées, de noisettes concassées, et en fait, ça nous fait la moitié de nos apéros en quelques minutes de préparation, par exemple. Oui, franchement, bah, comme certains, à l'époque, faisaient leur guacamole tout seul. Et ben là, c'est pareil, en fait. Là, pour les fromages à tartiner, on n'a même plus besoin de les proposer. Les gens les font eux-mêmes. C'est très rapide, très simple. Après, il y a d'autres fromages comme nous on fait, où là, il faut avoir un petit peu d'apprentissage sur l'hydrométrie d'un fromage, sur le cahier, enfin, créer un cahier qui va vieillir dans le temps, pour faire une pâte pressée. Tout le monde n'a pas le matériel. Bien qu'on ouvre on a ouvert un institut, en fait, il y a 7 ans, je vous parlais des CFA qui venaient nous voir juste une journée pour voir comment ça se passait. Là, aujourd'hui, c'est nous qui allons dans les restaurants d'application, et puis on crée complètement des fromages avec les étudiants, les élèves, etc., pour qu'ensuite, eh ben, ils puissent ouvrir eux-mêmes de façon artisanale leur petite production. Il y a des concours, il y a des médailles. Enfin, vraiment, là, on a repris aussi tout le folklore, hein, autour des autres produits. Il y a 7 ans, il y avait le salon du chocolat. Là, aujourd'hui, il y a le salon du fromage végétal. Et de temps en temps, je le disais tout à l'heure, dans les fromageries, on pousse les, comment on appelle ça, les petits frigos dans lesquels et les étagères dans lesquelles on stocke le fromage. On met la grande table au milieu et puis donc on vient apprendre de nouvelles techniques. On vient faire soi-même le fromage avec lequel on repart. C'est les écoles qui viennent faire ça de temps en temps. Les maisons de retraite, un peu les personnes qui s'offrent ça pour leur cadeau d'anniversaire. C'est vraiment devenu aussi un lieu un peu vibrant, finalement, de nos centres-villes aussi, la fromagerie. Ben oui, complètement. Mais c'est un peu comme c'est un peu le pas. Aujourd'hui, nous, en 2030 glorieuse, on va dire qu'on a ce pas. On a encore ce côté fromage vin, et on a développé vraiment ce côté cocon de gens qui viennent effectivement pour un enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille, qui ont envie de manger des produits bruts, des produits qui n'ont pas l'habitude. Donc ils font leur week-end autour de ça, ils font la route des fromages végétaux. Enfin voilà, donc il y a ce côté où les gens veulent apprendre, mais il y a aussi le côté où les gens, ça y est, ils sont festifs avec le fromage végétal. Et donc tu parlais tout au début, là, dès qu'on a commencé à parler des 2030 Glorieuses et à voyager dans ces 2030 Glorieuses de petits caffinages, tu nous citais comme exemple le fait que vous ayez racheté des fromageries, des boucheries pour en faire des espaces de consommation de produits 100% végétalisés. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ce que vous faites d'autre? J'imagine que vous continuez à être un peu justement dans la recherche et développement. Vous êtes à l'affût du développement de nouvelles variétés de fromage végétal avec, pourquoi pas, des produits, des légumes, des légumineuses auxquels on n'avait pas du tout pensé. À quoi ça ressemble? C'est quoi votre travail? Raconte-moi un peu votre déploiement. Notre travail, il y a plusieurs phases de notre travail. Notre travail, c'est aujourd'hui produire les 19 références de fromage qu'on a à travers la France et en fonction des régions. Parce qu'on a une entreprise, du coup, qui est à Vannes, qui est l'origine, mais on en a d'autres dans le sud, etc. On les a développés en fonction des régions des fromages. Oui, ça avait commencé à se développer, hein, à l'époque. Hein, David, je t'interromps, pardon, mais à partir de... C'était quoi, en 2023 déjà, on retrouvait vos fromages partout en France. Vous aviez un partenariat avec Biocoop. Hein, ça se développait bien déjà. Mais par contre, là, on a ouvert des usines dans les régions spécifiques des anciens fromages. Et du coup, là, effectivement, la R&D... Et pour donner un ordre d'idée, on fait à peu près 400 tests de cahiers végétaux par an, parce que on est toujours en quête justement d'une pâte un petit peu plus sèche, d'une pâte un petit peu plus cuite, on mutualise les forces avec les autres producteurs de fromages végétaux et on se donne les petits tips, on se donne les idées, on se dit comment ça fonctionne. Et puis après, en fonction du matériel qu'on a, de toute façon, le fromage ne sera pas le même. Donc il n'y a pas cette concurrence. Et c'est un peu aussi ça, les 2030 glorieuses, et on peut dire que vraiment là-dessus, on est vainqueur, c'est qu'il n'y a plus ce système de concurrence dans le végétal qu'il y avait à l'époque, au niveau des producteurs et des fournisseurs. Parce que, comme tu le dis, chaque produit, finalement, a son identité propre et remplaçable, incopiable. Ben, exactement. Alors, je me souviens, tu t'en parlais tout à l'heure, c'était le caprice des dieux. C'est du lait et des ferments. Il y avait d'autres marques à l'époque. Le rustique, c'était aussi du lait et des ferments, mais c'était pas les mêmes fromages parce qu'ils n'avaient pas la même technique d'affinage. Et ben, c'est pareil dans le végétal. Avec le temps, on a compris que même si on avait les mêmes ingrédients, les mêmes légumineuses, les mêmes graines, les mêmes, enfin voilà, tout ça, la technique d'affinage n'étant pas la même parce qu'on n'est pas sur place et on n'a pas le même matériel, ça ne rendra pas le même fromage. Donc, on a compris qu'on n'avait pas besoin d'être concurrent. Justement, on revient petit à petit là en 2023, à l'époque encore de ces caprices des dieux et de tous les autres fromages qu'on a bien en tête, puisqu'on les voit par dizaines et voire centaines parfois dans les rayons des grands supermarchés. Comment on tend des perches aux personnes qui nous ont écoutés, David, pour qu'elles contribuent à ces 2030 glorieuses plus végétales? Est-ce que toi, tu as même une action très concrète, à part bien sûr goûter, essayer les fromages notamment que vous faites chez Tic Affinage, mais comment on peut contribuer à faire en sorte qu'on aille encore plus rapidement vers ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble? Alors, là, ça va dépasser le côté fromage, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière un fromage, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, quel est le côté caché de mon assiette. Et aujourd'hui, là, si on est de retour en 2023, on peut s'appuyer sur un site qui s'appelle viande.info. Il y a une vidéo qui est faite par le journal Le Monde, qui est très propre. Il y a Vegan Pratique, le site Vegan Pratique qui est très bien fait par des nutritionnistes, où là vous avez toutes les recettes de tout ce que vous voulez manger. Vous voulez manger un bœuf bourguignon, il y a la recette. Vous voulez manger des crêpes parce que vous êtes breton, il y a la recette. Tout est accessible et tout est facile. C'est très clair, c'est très concret. Merci mille fois, David. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !